Annabi Musa, Pular, Franche. Annabi Musa e Fir'auna. Hello nayi. Biɓɓe Yaquba biyeteɗo kadi Israila yadunoɓe e mum Misira. Goto hen fuf e ɓesgu mum nani. Ruben, Simeon, Lewi, Yuda, Issakar, Sabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Ad, Aser. Goto hen fuf ardunoko e galle mum. Yimɓe umminoɓe Yaquba fuf gonnoko capanɗe jeeɗiɗo. Tawi Yusufa ɓiyi ko goɗɗo o wonno ko Misira. Yusufa maayi kañum e mawniraaɓe mum e miñum e yimɓe on jamanu fuf. Israila en jeeñi keewi. Aɓe ɓeydo heewde, aɓe ɓeydo aldude. Ɓe kebbini leydi ndi fuf. Misira dañi laamɗo goɗɗo mo anndano Yusufa. O wi yimɓe makko, ko Israila en goni leñol ɓurngol heewde, ɓurngol aldude e men. Ndarten feere no eɗen kadira ɓe yanje, kaɗen ɓe ɓeydade. Mbele so tawi konu dawi, woto ɓe njantoy e añɓe men. Ɓe kaɓa e men, ɓe njalta leydi ndi. Mawɓe liggeyaji pawa e dow maɓɓe. Ina liggina ɓe ala e sago. Mbele ina tampinira ɓe liggeyaji musɗi. Voici les noms des fils de Jacob, aux fils d'Israël, qui étaient arrivés en Égypte avec leur père. Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Chacun était venu avec sa famille. Au total, la famille de Jacob comptait 70 personnes. Joseph, un autre fils de Jacob, était déjà en Égypte. Ensuite, Joseph mourit. Ses frères et toute cette génération aussi. Les Israélites avaient beaucoup d'enfants. Ils devenaient de plus en plus nombreux et puissants. Ils remplissaient le pays. Un nouveau roi commença à diriger l'Égypte et ce roi n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Vous voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant sur nous. Il faut trouver un bon moyen pour l'empêcher de grandir. » Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis. Ils lutteront contre nous et ils quitteront notre pays. Alors les Égyptiens nommèrent des surveillants pour aplantir et déformer le peuple d'Israël par des travaux forcés. Hel Diegom Konon Bemahiri Tchahe Pitom et Ramsès Bele Enengona Pabi Desir Dingura Firaouna. Misiranaaɓe ina ɓeydo leeɓtude ɓe tan, aɓe ɓeydo heewde, aɓe ɓeydo yanje. Misiranaaɓe ɓe kuli Israila en ɓe. Ɓe mbaɗi ɓe e kalifaandi bondi, ɓe kaani ngurdam maɓɓe sabu liggeyaaji cattuɗi, liggeyaaji ɓakke, duufeeje e liggeyaaji gese. Aɓe pawanno e maɓɓe ɗin liggeyaaji fuf tawa ɓe njurmotaako ɓe. Laamɗo Misira haaldi e sas famuuji barahuta en. Hen goto ina wiye Sifra, oya ina wiye Puwa. O wiɓe, so tawi oɗon balla rewɓe barahuta en e jibingol. So on ji aɓe jibina gorko barey ɗum. So tawi ko debbo ngo pewura. Kono sas famuji ɗi kuli Allah. Ɓe mbaɗani ko laamɗo Misira o wiɓe ko. Ɓe ngoppi sukaɓe ɓe nguri. Laamɗo Misira o noditi sas famuji ɗi wi ɗumen. Ainsi, les Israélites construisirent les villes de Pitom et de Ramsès. Elles servaient à garder les réserves de nourriture du pharaon, le roi d'Égypte. Plus ils écrasaient les Israélites, plus ils devenaient nombreux. Ils occupèrent de plus en plus de places, c'est pourquoi les Égyptiens les détestaient. Ils traitèrent les Israélites durement, comme des esclaves. Ils leur rendirent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligèrent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver le champ. En un mot, les Égyptiens les écrasaient par toutes sortes de travaux pénibles, sans avoir pitié en eux. Il y avait des sages-femmes pour les Hébreux. L'une d'elles s'appelait Shifra et l'autre Puya. Le roi d'Égypte leur donnait cet ordre. Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à accoucher, Regardez bien l'enfant. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les chaste femmes respectaient Dieu. Elles n'obéissaient pas au roi d'Égypte et elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi appela les chaste femmes et leur dit. Hello jetati. Hol ko wadi on badani ko binomi on ko. Goppudon sukabe worbe be nguri. Sas famuji di njabi Fir'auna bidum. Rewbe barahuta en bayani no rewbe misrana be bayni. Ko be yimbe timmube be njibunto hade sas fam ar. Alla wadi moddire mum e sas famuji di lenyol gol yeni sembulini no feewi. De wonno sas famuji di kulino Alla. Alla wadi e galleji mabbe barke. Den Fir'auna rokki lenyol mum fof yamirore wi beddo de der mayo kala cukalel gorel jibinangel goppon sukabe rewbe jibinabe be ngura gorko goto iwdi lewi resi goto e lenyol mum debbo o woni redu dani bingel gorel o yi angel yodi o suudi ngel lebbi tati o andi o wawa suudirde ngel non ko juuti o yetti pani pewnirado lese lese o sukkiri dum koltara o wadi hen tigguyel ngel o fawi dum e poko poko la mayo e sara ganyanje mawnum tigguyel ngel debbo dari do woddani ina jeewa ko jogori heptade ngel. Pourquoi assisez-vous ainsi? Vous avez laissé vivre les garçons. Pourquoi donc? Les sages-femmes répondirent au roi. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont plus fortes. Avant que les 16 femmes arrivent, elles ont déjà accouché. Les Israélites devenaient de plus en plus nombreux et très puissants. Dieu fait du bien aux 16 femmes. Il leur donna des enfants parce qu'ils l'ont respecté. À la fin, le roi d'Égypte donna cet ordre à tout son peuple. Tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux, jetez-les dans le Nil. Mais laissez vivre les filles. Un homme de la tribu de Lévi se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau. Alors, elle le cacha pendant 3 mois. Mais elle ne put pas le cacher plus longtemps. Elle prit donc un panier fait avec des tiges de papyrus et le recouvrit avec du goudron et de la colle. Puis elle mit le bébé dedans et alla poser le panier parmi les roseaux au bord du Nil. La chair de l'enfant resta un peu plus loin pour voir ce qui allait se passer. Hel sap. Bi Fir'auna debbo ari mayo lotade. Sawrobe mum rewbe be ngoni e yakindade. E sara mayo he. O soyni panye e hakkunde ganyange. O neli kordo mako yo o ya o addano ya mudum. O uditi o tawi hen tiguyel gorel ina waya. O yurmingel o wi dum ko bingel barahuta en. Den tan mawnum tiguyel ngel wi bi Fir'auna o ada yidi yilano yo ma muyninowo e nder rewbe barahuta en. Mele ina muynina tiguyel ngel bi Fir'auna o jaabi wi ya suka debbo o yehi noddoyi yumma maggel. Ndew ari, bi Fir'auna o wimo, nawngel do tiguyel muynina namidum, mami yobe. Caggal dum debbo o nawi biyum muyninoyi. Nengel mawni o artiringel to bi Fir'auna debbo o. Ngel wonti no biyum gorkoni. O inniringel Musa bayri o ittingel ko e nder diyam. Plus tard, la fille du roi d'Égypte descendit vers le Nil pour se baigner. Pendant ce temps, les femmes qui étaient avec elle se promenaient le long du fleuve. La princesse aperçut les paniers au milieu des roseaux et envoya sa servante le prendre. Puis elle ouvrit les paniers et vit un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit « C'est un petit Hébreu. » La sœur de l'enfant demanda à la princesse « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour le nourrir ?»« Elle pourra l'allaiter l'enfant pour toi. » La princesse lui répondit, « Va. » et la jeune fille alla appeler la mère de l'enfant. La princesse dit à la femme, « Prends ce bébé, allaite-le pour moi et je te payerai pour cela. » La femme prit le bébé et lui donna son lait. L'enfant grandit. Sa mère l'amena à la fille du roi d'Égypte. Celle-ci le prit pour son fils. Elle dit, « Cet enfant, je l'ai tiré de l'eau. C'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. » Hello sapo didi. Musa mauni. Nyalama goto o yalti, o yehi to yimbi lenyol mako. O seti ligeyaji mabe musdi. O yi gorko misri na jo goto inafia bandiko gorko barahuta pigal maidi. O yewi bangeji fuf, o yani hay goto e saraji he, o wari misri na jo. O iridum ender channel. No jango imumni, o yalti, o yi warbe barahuta dido inakaba. O wi tonjo, holko piyanta bande. On jabi mo wi, holmo wadma maudo, e nyawawo e do amen. Are miji wardemi no mbarduda misirenajo oni. Musa huli, wi horemu, deke non umtinama. Firaawna nani ko wadako, yidi warde Musa. Kono Musa dogi Firaawna, fay leydi Madian. O jodi, ton e sara woyindu wotru. Jettinowo Sadak Madian biyeteedo Yetro ina jogino bibbe rewbe jeedido. Be ngari yogde ndiyam be kebbini mbalkaji mabbe ngam yarnude ornde baba mabbe. Un jour, Moïse, devenu adulte, alla trouver ses frères hébreux. Il vit les durs travaux qu'on lui imposait. Il aperçut aussi un Égyptien en train de frapper un de ses frères hébreux. Moïse regarda autour de lui et il ne vit personne. Alors il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Les jours suivants, Moïse revint de nouveau. Il trouva deux Hébreux qui se battaient. Il demanda à celui qui eut tort, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Celui-ci lui répondit, « Qui t'a nommé chef pour nous juger ? Est-ce que tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse s'est dit, « Je suis sûr, les gens savent ce que je fais. » Et il eut peur. Le roi d'Égypte, lui aussi, apprit la chose et il chassa à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit et il alla habiter au pays de Madian. Un jour, il s'assit près d'un puits. Cette jeune fille vint puiser de l'eau et remplit les abreuvoirs. Elle allait donner à boire aux moutons et aux chèvres de leur père qui étaient près de Madian. Hello sapoy nay. E on saha aynaabe ngari diddibe. Musa ummi jinganibe. Yarnanibe ornde mabbe. Nebe koti baba mabbe wi. Ko artiri on hande law. Be njabimo be mbi misirnaajo goto dandi min aynaabe. Kadi walli min savde ndiyam ko min jarniri ornde nde. O wi bibbe makko rewbe be holto on woni ko wadi ngoppudon on gorko yeyi noddi yemo o ara o nyama. Musa ari felliti wonde e galle on gorko biyeteedo Yetro. On rokki mo bim debbo biyeteedo Sipora yo ores. Be danji biddo gorko o inniri dum garson ngati o wi ko arani. Den yayi ha juti lamdu misra mayi lenyol israila beedi lorlude ina uma e der kalifani ina luka din luka li jetti ha e alla. Mais des bergers arrivèrent et ils chassèrent les jeunes filles. Alors Moïse vint à leur secours et il donna à boire à leurs bêtes. Elles revinrent chez leur père Réoul. Celui-ci leur demanda, vous rentrez très tôt aujourd'hui. Pourquoi? Elles répondirent, un Égyptien nous a protégés contre les bergers. Il avait même puisé de l'eau pour nous et il avait donné à boire aux bêtes. Réo dit à ses filles, où est cet homme? Vous ne l'avez pas amené ici. Pourquoi donc? Allez le chercher pour qu'il mange avec nous. Moïse accepta d'habiter chez Réoul. Celui-ci lui donna sa fille Séphora pour femme. Séphora mit au monde un fils. Alors Moïse dit, je vais l'appeler Gershom, c'est-à-dire étranger. En effet, je suis maintenant installé dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient et criaient du fond de leur esclavage et leur appel montait vers Dieu. Hello sappo jeego. Alla nani bojji maɓɓe. Siftori aadi mo wadduno e Ibrahima, Isaaka e Yaquba. O. Alla ƴeewi yimɓe Israa'iila yurmiiɗumen. Musa ina aynanno orde Yetoro e sum. Jettinowo Sadak Madian o nawinde nder jeerende. O ari haa e haayre Alla to Oreb. E on nokku Malaika Alla feeñani mo e nder lewlewndu jeyngol hakkunde soppuƴuru. Musa soyni soppuƴuru huɓɓuru ndu sumataa. Musa wi'i, waɗu ni sela mi laaɓtindoyo o kaawisa. Kadi holko waɗi ndu soppuƴuru sumataa. Alla yi'i omo sela mbele omo laaɓtindo noddi mo e hakkunde soppuƴuru he wi'i, Musa, Musa. O jaabi o wi'i, naam. Alla wi'i, woto ɓattoɗo, ɓurtu paɗe ma, sabu nokku mo ngonɗa o ko leydi cenindi. Komin woni Alla Baaba ma, Alla Ibrahima, Isaaka, kañum e Yaquba. Je entendait leur plainte et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et comprit leur situation. Moïse gardait les moutons et les chèvres de Jethro, Réul, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduisit le troupeau au-delà du désert et il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Les buissons étaient en feu, mais le feu ne détruisait pas les buissons. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Les buissons n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur vit que Moïse fait un détour pour regarder, alors Dieu l'appela au milieu du buisson. Moïse, Moïse. Moïse répondit, je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Enlève les sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Hello sappo jeetati. Musa suudi yeeso mum, sabu hulde ƴeewde Alla. Alla wi'i, mi yi'i mette yimɓe am wonɓe Misra ɓe. Mi nani aɓe luuka sababunde leptoɓe ɓe. Mbeɗo andi mette maɓɓe. Ko ɗum waɗi jippimi mbele mboɗo danda ɓe e misiranaaɓe. Mbele aɓe ngummo e ndi leydi ɓe njaha e leydi moƴƴiri njaañdi kewndi kosam e njuumri. Ɗo Kanaana en, Hete en, Amore en, Perise en, Hiwiti en, Yebusa en koɗi. Luukaali Israa'iila en gari haato am. Mi yi'i leɓte ɗe misiranaaɓe pawata e maɓɓe ɗe. Jooni noon yah, mi neliima to Fir'aawna jaltina yimɓe am hono Israa'iila en Misira. Musa wi'i Alla, holko ngonmi haa mboɗo yaha to Fir'aawna miɗo yaltina Israa'iila en Misira. Alla wi'i, maa mi wondu e ma. Ɗum ɗo ma won maande ko min nelma. So tawi a yaltini yimɓe am Misira, ko e nde haayre mbaɗan ton mi sadakeji kirseteeɗi. Moïse se cacha le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continua. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous le coup de ce chef égyptien. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je vais l'amener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périgites, des Hivites et des Jébusites. En effet, le cri des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasaient. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. va et fait sortir de son pays les Israélites, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples d'Israël, vous me servirez des sacrifices sur cette montagne. » Hello Nogas. Moussa wi Allah. Dum non, ma mi yatu Israila en, mi wiya dumen, Allah taniraabe mon neli kam e mon. Kono, so be namni mam, no o wiyete, holko njabotumi. Allah wi Moussa, komi goddo. O jokki, koni njabortodaabe. Ko biyetedo goddo. Nelimi e mon. Biyaabe kadi, jomiraado Allah taniraabe mon, Ibrahima, Isaga, kanyumen e Yaquba. Neli kam e mon. Ko dum woni inde am ha abada. Ko kayre jinmi yimbe kala yonta nyaagoromi. Ya rendino mawbe Israila biya dumen. Jomiraado Allah taniraabe mon, Ibrahima, Isaga, kanyumen e Yaquba. Feña ni kam. O wi. Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ?» Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis ?» Voici ce que tu diras aux Israélites. « Je suis m'a envoyé vers vous. » Puis tu leur diras encore, « Celui qui m'a envoyé, vers vous s'appelle le Seigneur. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Maintenant pars, réunis les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit. Hello Nogas Didi. Mi yi on. Mi yi ko mbadete don misira. Mi felliti dum do. Ma mi itu on misira. Lo leptete don. Mi nawa on ledi kanana en. Hete en. Amore en. Perise en. Hivite en. Yebusa en. Ledi kewndi kosam en jumri. Ma be kedo halama. Njaha an e mawbe Israila en to lamdo misira biyon dum. Jomirado Allah yimbe barahuta en feña ni min. Joni non, yamiri min yomin njah der jereende balde tati. Bele amin badana Allah amen sadakeji kirsetedi. Bedo andi lamdo misira jogorani wopude on njahon hayso wawnama. Kono, min mami wawnum. Mami fortu jungam. Mami firu misira nabe kaabisaji mbaadi kala di mbaddo yadmi e hakkunde mumen. Caggal dum ma o woppu on jahon. Mami rokku ngol lenyol neware e yesu misira nabe so tawi odon jaha on jahata juude mehe. J'ai décidé d'agir pour vous aider parce que les Égyptiens vous font souffrir. Alors je vais vous retirer de ce pays où vous êtes dans la misère. Je vous conduirai dans les pays cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébusites. Ces pays débordent de miel et de lait. Les Israélites vont t'écouter. Et avec les anciens du peuple, tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux s'est montré à nous. Maintenant, nous devons marcher pendant 3 jours et aller dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu. Mais je le sais, le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. J'agirai donc avec puissance contre son peuple en faisant toutes sortes d'actions extraordinaires. Ensuite, il vous laissera partir. Grâce à moi, les Égyptiens vous regarderont avec bonté. Alors, quand vous partirez, vous n'irez pas avec les mains vides. Hello Nogas Nay. Debbo fof yo namdo koddido mum debbo e gondo e galle mum pali kalis pali kange wondude e chomki totton bibbe mon worbe e rewbe dondo ko hono non boldo ton misiranabe Musa Jabi wi be njabata halam be kedota ko kongulam mabe bi jomirado fenyananima jomirado wi mo holko jogida e jungo mako o jabi dum ko sawru jomirado wi weddundu e leydi o weddindo e leydi ndu wonti ngorondi Musa woditindi jomirado wi Musa batto forti jungo ma jaggunde e laaci o forti jungo makko o jaggindi ngorondi wonti kadi sawru e jungo makko Toutes les femmes israélites demanderont aux égyptiennes qui habitent chez elles ou près de leur maison des objets en argent et en or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles et ainsi vous prendrez les richesses des égyptiennes. Moïse répondit au Seigneur, « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas. Mais ils diront, « Non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. » Le Seigneur demanda à Moïse, « Qu'est-ce que tu tiens à la main ?» Moïse répondit, « Un bâton. » Le Seigneur lui dit, « Jette-les par terre. » Moïse les jeta par terre, le bâton devint un serpent. Moïse recula très vite devant lui. Le Seigneur lui donna cet ordre, « Avance ta main et prends le serpent par la queue. » Moïse avança la main, et il prit le serpent. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Hello nogas Diego. Jomirado wi, ko dum woni ko mbadata mbele abe njaba jomirado. Alla tanirabe mabbe feñanima, Alla Ibrahim, Isaga, kanyum en Yaquba. Jomirado wi kadi, wadi jungo ma e der wurtema. O wadi non o yaltini go tan go wonti baras danejo no biradam ni. Alla wi wattu jungo ma e der wuttema o watti non o yaltini go tan ko wonti kadi no go woruno jomirado wi so tawi be jabananima be kedaaki halama sababunde mande adande de ma be kedo halama sababunde mande sakitine de so tawi be jabani din mandeji didi fof be kedaaki halama nyeda ndiyam e mayo ndufa dam e dow leydi ndiyam dam nyeda e mayo dam ma wontu iyam e dow mayri Le Seigneur dit cela prouvera que je me suis montré à toi moi le Seigneur le Dieu de leurs ancêtres le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob Le Seigneur ajouta mets ta main dans ton habit Moïse fit cela mais quand il retira sa main il vit que le blanche comme du lait et le couverte de lèpre Le Seigneur dit encore à Moïse, « Remets ta main dans ton habit. » Moïse fit cela, et quand il retira sa main, elle redevenit normale. Le Seigneur lui dit, « Les Israélites ne te croiront peut-être pas, et ils ne t'obéiront pas. Malgré ces deux signes, et s'ils ne t'obéissent pas, tu prendras de l'eau du Nil, et tu la verseras par terre. Alors cette eau deviendra du sang. » Hello no gas jeetati Musa hebiti wi jomirado mi wona gorko bawdo hala no fiwi dum wona hanki wona hecci hanki wona kadi ko puddida haldude am min maccudo ma o ko fuddi mi welani hala jomirado wi mo holi mo tagi hunuko neddo holi mumdinowo holi panowo holi jinowo holi gumnowo Mate wona min jomirado ya mami walle halde mami ekkine ko podda wiide kono dum e waade non Musa wi jomirado bodo nyaago manel goddo den tan jomirado fuddi sekande Musa wi mate mawne Haruna iwdi liwi wodani bodo andi demgal makko ina weli o mona ara e yeso ma so tawi o yima ma o welto e der bernde makko kalda hala ka hunuko makko min mami wallu on halde onon dido fof mami jangin on no poddon wadde ma o lomtoma e hala faade yimbe Moïse dit au Seigneur, « Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que j'ai vu. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que c'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur s'est mis en colère contre Moussa. Il dit, « Et ton frère Aaron, lévite. Il parle bien. Lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi je serai avec vous deux quand vous parlerez et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. Aaron parlera au peuple à ta place, il sera ton porte-parole. » Hello chapantati. Kanko, o wana hunuko ma, an lomto damu alla. Yetu ndudo sauru, ndu potla wadirde mandeji. Musa fukiti, rutitu isum hono yetoro, vidum. Bedo nyago ma, yo acham miyaha tu yimbe lenyolam, wanbe misira be. Mi yewa sotawi abenguri. Yetoro vi Musa, jande. Kodum wari, Musa watini jomsudu mum, ibibe mum, warbe edo bamdi. Ruti leydi Misira. O welni sawru ndu Alla wino yo nawor ndu. Jomiraado wi Haruna mawnu Musa yaato jereende to pottoya e Musa. Haruna yehi fottoyde e Musa to hayre to. Jomiraado jabbibe ton. Musa andini Haruna kongudi jomiraado neli dum di fof e kala ka wisaaji di jomiraado okkimo yo dallinoro di. Musa e Haruna njehi. Nden be njettima Misira, be dendini mawbe Israila en fof. Et toi, tu seras pour lui comme un dieu. De plus, tu tiendras ses bâtons dans ta main. Avec lui, tu feras des choses étonnantes. Moïse retourna auprès de Jethro, son beau-père. Il lui dit, je dois partir et retourner vers mes frères hébreux qui sont en Égypte. Je veux voir s'ils sont encore vivants. Jethro lui dit, va en paix. Alors Moïse prit sa femme et ses fils, il les fit monter sur des ânes et il retourna en Égypte. Dans sa main, il tenait le bâton que Dieu lui dit de prendre. Le Seigneur dit à Aaron, va dans le désert à la rencontre de Moïse. Aaron partit. Il trouva son frère à la montagne de Dieu et il l'embrassa. Moïse rapporta à Aaron les ordres du Seigneur. Toutes les paroles que lui, Moïse, devrait dire de la part du Seigneur et les choses extraordinaires qu'il devrait faire. Ainsi, tous les deux allèrent réunir les anciens du peuple d'Israël. Hello, chapantate didi. Haruna yettini Israël en kongudi di jomirado halano Musa di fof. Musa wadi kawisaji di Allah hukimo di fof e jese mabbe. Israël en jabi, pami, wande jomirado yidi ko dandu debe. Be tukki e leydi be cujjani jomirado. Jomirado neli min, yo min gar, yo a woppu Israila en jaday amen. Min badano ya Allah amen sadakiji kirsitidi. Bele omo danda min e musibaji bundi. Firawna wi Musa e Haruna. Hol ko wadi odon kara yimbe be liggade. Ko joni don goldo lenyol, yenyi aldi do biaton odon dandangul. Aaron répéta toutes les paroles que le Seigneur avait dit à Moïse, et il faisait des choses extraordinaires devant le peuple. Le peuple était d'accord avec ce qu'il disait. Les Israélites comprenant ceci, le Seigneur va les aider parce qu'il a vu leur souffrance. Alors, ils se mirent à genoux pour adorer le Seigneur. Après cela, Moïse et Aaron allèrent trouver le roi d'Égypte. Ils lui dirent, « Le Seigneur te donne cet ordre. laisse partir mon peuple dans le désert. Et là, nous offrions des sacrifices au Seigneur. Ainsi, il ne nous fera pas mourir par la peste ou par la guerre. » Le roi d'Égypte leur dit, « Vous voulez empêcher les Israélites de travailler? Pourquoi donc? Maintenant, ces gens-là sont devenus nombreux et riches. C'est ainsi que vous voulez les délivrer. » Hello, Japan, Tati et Naï. Et d'ailleurs, on y a l'homme, Firaou na yamiriyo ligge yaaji chatine e mabbe. Sobe ngoccama ko e mabbe kam mabbe njejidde penale. Mabbe ligge yaaji be di satinde liggeji e mabbe ina piyabe ina purobe ina mbiyabe holko hadi on timminde tuufeje de tajannano don de. Be njehi be ngullitoyi to Firaou na holko min badi amin lepte de do lepte. Amin pie, amin pure. Firaou na jabi bewi. Wanako on ambe. Kodun wadi odon badanoya alla jomirado mon sadakeji kirsitidi. Joni non jehe ligoyo de, ko ligo tonodon ko ustetake. Ndebe njalteta gale Firaou na de, pe poti e Musa e Haruna. Bimbi dumen. Yo alla nyaw hakunde men. On gadda ni Firaou na satinde liggeji amen. Ce jour-là, le roi appela les Égyptiens qui servaient les Israélites. Voici ce qu'il leur recommandait. Écrasez-les sous le travail. Veillez qu'ils soient très occupés et qu'ils oublient ces mensonges. Le servant égyptien et le chef d'équipe israélite sortirent du palais et écrasèrent les Israélites sous le travail. Les Égyptiens frappaient même le chef d'équipe israélite qu'ils avaient nommé. Il leur disait, « Vous n'avez pas fait assez de briques. Pourquoi donc ?» Alors le chef d'équipe israélite venait se plaindre au roi d'Égypte. « Pourquoi est-ce que tu nous traites de cette façon ? De plus, on nous frappe. » Le roi répondit, « Vous êtes des paresseux. » »« Oui, des paresseux. » »« C'est pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices au Seigneur. » Maintenant, allez au travail. Au moment où ils sortirent de chez le roi, ils s'adressèrent vivement à Moïse et à Aaron, qui les attendaient. Les chefs d'équipe leur dirent, que le Seigneur voit ce que vous avez fait, qu'il vous condamne. À cause de vous, le roi et ceux qui l'entourent nous détestent. Hello, Chapantati et Diego. Moussa et Haruna ndutito Jomirado. Bimbi. Jomirado, dila nerda amen to Firaou na, min jettini nelal ngal, Firaou na beedi satinde liggeyaji e dow mabbe. Den Jomirado wi, Musa ma ayi ko ngollumi, ma mi wawnumo o woppa be njaha ay so welaka. Alla haldi kadi e Musa wi, komin woni Jomirado, mi feñan nino Ibrahima, Isaaga e Yaquba, komin woni jom bawdi, kono be gandiranomi inde am Jomirado. Mi waddino e mabbe aadi rokkude be leydi Kanana to be gonno arani en. Sabu mido humpiti kalifaani bondi Israila en goni e mumdi. Musa wi Jomirado kalifaani bondi hadibe hedaadi mi. Jomirado wi Musa e Haruna ndutto de to Firaou na biyon yo woppu Israila en jalta Misira. Be njehi kono dum fof de Firaou na beedi tidde hoore. De wonno Alla haalino wiimo ma o tinno hoore Firaou na. Alors Moïse se tourna vers le Seigneur et dit, Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. Pourquoi? Depuis que je suis allé parler au roi de ta part, il fait souffrir les Israélites. Le Seigneur répondit à Moïse, eh bien maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. Dieu parla encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner les pays de Canaan où ils habitaient comme étrangers. Maintenant, j'attends les plaintes des Israélites qui sont esclaves des Égyptiens. Mais Moïse répondit au Seigneur, « Même les Israélites ne m'ont pas écouté. » Le Seigneur dit, « Va répéter toutes mes paroles au Pharaon. » Mais je durcirai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Moïse et Aaron allèrent donc parler au Pharaon, le roi, pour qu'il laisse sortir les Israélites dans son pays. Hello, chapantati e yetati. Andi de jomirado haldanno e Musa to Madian to de uyino Musa. Yew mami wat Haruna no annabima. An kala Haruna yettina dum Fir'auna. Bele ma o woppu Israila en yalta Misira. Musa e Haruna mbadi ko Alla yamiri dumen ko. On saha Musa ina yara e duubi chapanɗe jeetati. Haruna yara noko e duubi chapanɗe jeetati e tati. Nde be kaldata e Fir'auna nde. Jomirado wi Musa e Haruna. So Fir'auna namnima on dalilu. An Musa biya Haruna yo nangu sawru ndu o weddondu e yeso Fir'auna. Mandu wontu mboddi. Musa e Haruna mbadirno jomirado wiri dumen ni. Nde be njetti nde Haruna weddi sawru ndu e yeso Fir'auna e watu labe mum. Du wonti mboddi. Tan Fir'auna noddi wilebe mum e nyangotobe mum fuf. C'est comme le Seigneur avait dit à Moïse au pays de Madian. Ton frère Aaron parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Il sera ton porte-parole. Et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. Moïse et Aaron firent exactement ce que le Seigneur avait recommandé. Moïse avait 80 ans et Aaron avait 83 ans quand il allait parler au Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le roi vous demande de faire une action extraordinaire, toi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton, qu'il le jette par terre devant le roi. Le bâton deviendra alors un serpent. Moïse et Aaron allèrent chez le roi et ils firent ce que le Seigneur avait recommandé. Aaron jeta son bâton par terre devant le roi et devant ceux qui l'entouraient. Et le bâton devint un serpent. De son côté, le roi fit venir les chars et les sorciers d'Égypte, et ils firent la même chose grâce à leur magie. Hello, chapanay. Bengari kambene bembedi chabi mabedi. Dingwenti bwale. Konomboddi Haruna ndi mwaddi fuf. Dum fuf de adanani fira awna jabde. Owi dum kumbilew. Chagaldum jomirado wi yo ohollu fira awna musibaji dinjida sila. Jomirado jom bawde o wi Musa mi felliti gede de fof mi wadide e yamirore ma hollu Fir'auna kawisaji Musa adi fof ko wattude ndiyam meje mabbe fof ijam tiagal dum o wurte mabbe paabi o wurte mabbe boudi kono Fir'auna tii hore o hedaki Musa e Haruna no jomirado wiru noni o wurte mabbe kadi peci. Nde dum benni o tellin e orle mabbe musibaji bondi jawdi mabbe darindi mayi ha labi kono Fir'auna tidi hore o wopani de nyongul yehi. Chacun de jeta son bâton par terre et le bâton des vers de serpent, mais celui d'Aaron avala l'air serpent. Pourtant le cœur du roi restait ferme comme le Seigneur l'avait annoncé. Il n'écoutait pas Moïse et Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur avait recommandé. Toute l'eau du fleuve devint du sang. Plus tard, Aaron étendit son bras vers le cours d'eau d'Égypte. Des grenouilles en sortirent et couvrit tous les pays. Dans toute l'Égypte, toute la poussière du sol se changea en pisse, mais le cœur du roi restait ferme. Un nuage de mouches piquantes entra dans la maison du roi et dans tous les pays. Le jour suivant, le Seigneur envoie la peste. Tout tous les troupeaux des Égyptiens moururent, mais aucun animal n'était touché par cette maladie dans les troupeaux des Israélites. Pourtant, les cœurs du roi restaient fermes, et il ne laissait pas partir les Israélites. Hello chapan nai edidi. Benokin dom dom kin dudal. Bengari e yeso fira awna. Musa weddi ndi do ndi wadi e do yimbe e do jawdi baraji bondi wondudi e puje nyabuli. Nde dum benni kadi o jippin e mabbe musiba marmalle. Kadi o debi halkirde be tobo fakingo. Ngo hay goto e nder leydi Misra fuf medani yide ko way non. Gila lenyol Misra ngul wodi. Kono nde wonno Alla wi no ma tinno hore makko wadde de nde tiidi haande wi kos. Caggal dum kadi Musa wurte mabbe babatti. Di kebbini leydi ndi fof, leydi ndi nibbidi, di nyami pudi leydi e bibbe ledde e kala ko marmalle de kedduno. Ala fof ko dum bami e Fir'auna. Moïse et Aaron prirent de la cendre et ils allèrent voir le roi. Moïse la lança en l'air. Alors les personnes et les animaux avaient sur la peau des boutons qui formèrent des plaies. Le Seigneur fit pleuvoir la grêle sur le pays. Depuis que l'Égypte a existé comme nation, les Égyptiens n'ont jamais vu un orage aussi violent. Pourtant, le Seigneur durcit le cœur du roi et le roi n'écoutait pas Moïse et Aaron, comme le Seigneur l'avait annoncé à Moïse. Les matins suivants, les vents amenèrent les sauterelles. Elles couvrirent toute l'Égypte et se posèrent partout. Elles mangèrent tout ce que la grêle avait laissé. Hello chapan nai en nai. Chaggal dum ko musiba nibbere jurta e mabbe. Hay sa yomnima beydo to ko bonde. Sikkanoma ne be bilti e dum do fof gol do mabbe njab. Kon addanani mo jabde. Jomirado wi Musa, hankadi mami addu musiba cakkitido e do Fir'auna. E gol so en kirti e makko ma o riw on yo on jaltu e leydi makko. Musa wi Fir'auna, koni jomirado wi hedde hakkunde jamma mami rew e do Misra. Afbe worbe leydi Misra fof ma may. Gila e afoma an Fir'auna ha e afokordo gunowo. Ma lukali mawdi di hay goto meda nande, njogorani nande, batde hakkunde Misra nabe. Kon hay rawandu wofata Israelen. Gila e yimbe ha e jawdi, bele oron ganda ko min jomirado serdi Misra nabe e Israelen. Moïse leva son bras vers le ciel, et pendant 3 jours, il fit nuit noire dans tous les pays. Mais dans la région où les Israélites habitaient, il faisait jour. Pourtant, le Seigneur dirçut le cœur du roi, et le roi ne laissa pas partir les Israélites. Il dit encore, « J'avais frappé le roi et les Égyptiens par un dernier malheur. Après cela, il vous laissera partir, il vous chassera même d'ici pour toujours. » Moïse dit au roi d'Égypte, « Voici ce que le Seigneur dit, vers minuit je traverserai l'Égypte, tous les permanents de ces pays mourront, tous les permanents de troupeaux mourront aussi. Alors, dans toute l'Égypte, il y aura un grand cri. Mais c'est les Israélites, on n'entendra même pas un chien aboyer contre quelqu'un ou contre un animal. Alors vous saurez ceci, moi le Seigneur, je ferai la différence entre les Égyptiens et les Israélites. » Hello chapan nai e jeego. Jomirado wi Musa, odon baawi ettude jawgil wala damgil. Israila en fof kirsa kony mutal nange. Be yetta jiyam dam be mbada dam e dame galleji mabbe. E on jamma mami rew e dow leydi Misra. Mi wara afbe leydi Misra fof. Jiyam dam ma won mantode e dow galleji di gondon di. Mami yidam jiyam mi rewa e dow mon. E hakkunde on jamma jomirado wari afbe Misra nabe worbe fof. Gila e afu Fir'auna ha e afu neddo gondo nder kasu. Lukali mawdi badi e nder Misra. Sabu ala fof galle mo ala maydo. Fir'auna noddi Musa e Haruna wi dumen. Gummo de jalte e hakkunde lenyulam. Onone Israila en jehe. Le Seigneur dit à Moïse, Vous choisirez un mouton ou un cabri. Le soir de ce jour-là, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les Pyrénées. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les fils aînés des Égyptiens, les fils aînés du roi qui devait être roi après lui, comme les fils aînés des prisonniers. Il y avait des grands cris dans toute l'Égypte, parce qu'il y avait un mort dans chaque maison. Le roi appela Moïse et Aaron et leur dit, « Allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites, partez. » Hello chapan nay e jeetati Israa'iila en gummi Ramses ko be heddi ujunnaaje temedde jeegum worbe timmube taw rewbe sukaabe ngala hen de wonno be booyi ton wi'ama be mbadi to leydi Misirato ko duubi temedde nay e chapande tati nyande di kibbinde ko nyande mum Allah yaltini be leydi Misira itti be kadi e kalifaani bondi jomiraado wi Musa wi Israa'iila en yobe taaroyo be njippo e sara pi hayrot hakkunde migdol e geej o be taaroyi be njippoyi to joomiraado wi be to den firaawna wi Israa'iila en be majji e leydi he jeerende uddibe Allah wi maami tin hore makko ma o rew e mon kono maami wallu on podgu bongu e makko kanko e konoji di o wondi di fof. Ensuite, les Israélites partirent de la ville de Ramsès. Il était à peu près 600 000 d'hommes, sans compter les femmes, les enfants et les veillards. Les peuples d'Israël étaient restés 430 ans en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, commande aux Israélites de revenir camper devant Pihayrot entre Migdol et la mer. Mais plus tard, le roi d'Égypte dit, les Israélites se sont perdus dans les pays. Le désert est devenu pour eux comme une prison. Dieu durcit le cœur du roi encore. Il dit, le roi vous poursuivra, alors je montrerai ma gloire en l'écrasant, lui et toute son armée. Hello Chapan de Dieu. Le Pharaon halana jaltugol Israa'iila en tan o birni kanko e wati lawbe makko be mbi en badi ko boni en ngopi Israa'iila en jeyi en natti hutorade be ko den Pharaon e wati lawbe mum gimmi be kabbi saretaaji pucci mabbe wotiraaji te medde jeegum burdi moddude fof be ngabiti e Israa'iila en be jaltiri Misira ko ciusal Pharaon en battima Israa'iila en choynibe ngi Misranaabe inangara chagal mumen Fir'auna battima Israa'iila en inangara ina e wotiraaji mumen be kulikulul mawngul be ngoni e noddude joomiraado be mbi Musa mate janaali ngala Misira sakada sokla warde min e jeerende Musa wiibe wata kuli hay hunde ndeje tan jeewon faabu joomiraado jogori faabaade on o. Alors le roi et les gens qui l'entouraient changèrent d'avis au sujet des Israélites. Ils dirent, qu'est-ce que nous avons fait là? En le laissant partir, ils ne pourront plus être nos esclaves. Le roi fit atteler son char et il partit avec son armée. Il prit avec lui ses 600 meilleurs chars, suivant tous les autres chars d'Égypte. Comme le roi approchait, les Israélites lèvèrent les yeux. Voici les Égyptiens qui avançaient derrière eux. Ils avaient très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur avec force et ils dirent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir ?» Moïse répondit au peuple d'Israël, « N'ayez pas peur. Vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. » Hello chapande joyi e didi ngati misirnaabe beedo be njidon so hande benni on gonta yitude be ha abada ma jomiraado habana on tawa odon deji jomiraado wi Musa wi Israila en yo ngimmo an immin sawrumandu bam jungo mango portango e do gece feccingo Israila en dewa e ma tawa ko e do leydi njordi so be ndewi e mon mami andinbe ko min woni jomiraado jom bawde Allah wadi malaika goto yo ardo kono Israila en locul curki ina ardibe de wonno ko jamma wonno bange goto e maggul ina yaani ko on bange woni mu Israila en keedi oya bange mo misranaabe be keedi on nibindina ko dum hadi misranaabe be wawde yettade Israila en be nden be ndiwi e locul curki ngol woni malaika o arduribe ngol ha be jetti e dande gece le seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire le seigneur dit à Moïse dit aux israélites de se remettre en marche toi prends ton bâton et lève-le sur la mer ouvre ainsi un passage pour que les israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec et moi je fermerai le cœur des égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi et toute son armée l'ange de Dieu qui marchait devant les israélites va se placer derrière eux la colonne de fumée qui était devant eux passait aussi derrière eux elle vient se placer entre le camp des égyptiens et le camp des israélites du côté des égyptiens le nuage de fumée est sombre mais du côté des israélites il éclaire la nuit c'est pourquoi les égyptiens et les israélites ne pouvaient pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit hello chapan joy enay Musa forti jongo mum e do gece tan gece o feci pecci didi ha njordi yalti Israila en dewi hen misrina be benne dewi e mabbe ha do Israila en yentata do tay misrina be be fof lombim e hakkunde gece Allah umbi gece o e do mabbe hay gote mabbe dadani kono tay Israila en be fof tacci gece o wiyama wondende gece o feci de sawndoji di bayno kono bale mahadi ni ko e on nyalawma jomiraado dandi Israila en e juude fir'aun e watulabe mum Israila en ji kattande jomiraado Moïse leva sa main sur la mer s'ouvrit et il y avait un chemin sec les Israélites avancèrent sur le chemin sec au milieu de la mer l'eau formait comme un grand mur à leur droite et à leur gauche Les Égyptiens suivirent les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ta main sur la mer. » Moïse leva la main sur la mer et, au lever du jour, il reprit sa place comme avant. Tous ceux qui étaient entrés dans la mer derrière les Israélites s'étaient noyés. Mais les Israélites avaient traversé la mer avec un chemin sec. L'eau forma comme un grand mur à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, Le Seigneur sauva les Israélites du pouvoir des Égyptiens. Les Israélites voyaient que le Seigneur avait agi avec puissance contre les Égyptiens, alors ils reconnurent que le Seigneur est grand.